Là, je vais vous le récupérer certainement dans les soirées autour de moi. Je n'ai pas sur tout ce qu'on véhicule, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Bon. Formidable, c'est du merci bien commun. Merci beaucoup, c'est très très intéressant. Bienvenue, merci à vous. Bonne chance et bon courage. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui se joignent à nous, on vient de parler à M. Serge Fortier, qui est membre des opposants en fait à l'industrie du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Il nous témoignait son voyage en Pennsylvanie, où là, l'industrie du gaz est là depuis une décennie, je pense, presque 10 ans, si ma mémoire est bonne, et qui nous démontre tous les affres, tous les désastres que ça occasionne au niveau de la population de la nappe phréatique et les dangers qui nous guettent ici au Québec. D'ailleurs, il y a des puits qui ont été percés sans notre permission, et ça a des incidences sur l'eau potable, sur les terres arables, sur la santé publique, donc. Et puis, je veux juste rajouter, vite, vite, avant la pause, là, le EES dont parlait monsieur, là, qui est supposé étudier et parler avec les citoyens, qui est financé par le gouvernement pour voir si on va exploiter les ressources dans le Saint-Laurent. Ils ont sorti des vidéos vraiment intéressantes. Allez le voir sur le site du Devoir. Vous allez les trouver facilement. C'est des vidéos de 3 minutes qui doivent être présentées en guise d'introduction pendant les ateliers, comme ils appellent, les ateliers de partage d'informations avec les organismes du milieu. Donc, ce comité gouvernemental-là va rencontrer les organismes du milieu et va avant tout leur montrer ces petites vidéos-là. Et c'est une petite merveille de propagande. Vous allez voir, il y a des oiseaux qui chantent et qui volent autour des plateformes, des bruits de vagues. On nous explique comment les plateformes pétrolières et gazières vont tout forer merveilleusement, comment ça va être fermé, recyclé à la fin. C'est comme aller au spa. Oui, c'est comme aller au spa. En fait, là, il y a une ambiance de spa. Tout est bleu et blanc. Les dessins sont bleus et blancs. Des bruits de vagues. C'est très, très relaxant. Avec la flûte de pan. Avec presque de la flûte de pan. Ça irait bien là-dessus. Je vous conseille d'aller voir. C'est d'une beauté remarquable. Ben, Catherine, je pense que nous irons les placer aussi sur la page Facebook de La Fausse Patte. Nous sommes sur Facebook, alors il y a un groupe de discussion où sont passés toutes sortes d'articles, de vidéos justement comme celui-ci. Une page également, dont vous nous retrouvez et vous cliquez « J'aime » ou faites une demande d'adhésion au groupe. Et puis, ben, vous allez être comme ça tenu au courant de tout ce qui se passe dans notre union que nous avons tenté de faire il y a quelques mois de cela. Donc, pause pub et on revient ensuite de ça avec un duo québécois, Bélanger et Desjardins. Et puis, on parle justement de cette marche pour l'indépendance au retour avec Sébastien Ricard. Voilà, sur CKRL 89.1. Au moment où on se parle, que ce soit sur la scène politique ou sur la scène économique, dans le monde du sport, au cœur de la communauté artistique, ou encore à l'international, tout autour de nous, les nouvelles font couler beaucoup d'encre. Le rôle de mon journal? Faire le tri parmi tout ce battage médiatique pour vous offrir un contenu culturel de qualité et une analyse pertinente de l'actualité. Pour y voir plus clair, je choisis Le Devoir. En octobre, c'est le mois du piéton. La noirceur arrivant plus tôt, les piétons sont moins visibles. Aussi, le froid, le vent et la pluie incitent parfois les piétons à se dépêcher et à traverser n'importe où. Alors, conducteurs, soyez vigilants. Et piétons, traversez toujours aux intersections. D'un côté comme de l'autre, que vous soyez conducteur ou piéton, établissez un contact visuel pour éviter tout danger. C'est la responsabilité de tous. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Du 20 au 30 octobre, tous les midis de la semaine, soyez à l'écoute de Midi Jazz qui vous mettra au parfum du 5e Festival de Jazz de Québec. 10 jours de festivités, 125 spectacles avec des artistes de renommée internationale. Suivez avec nous le circuit jazz à travers la ville de Québec à Midi Jazz, du lundi au vendredi, dès midi. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui. C'est l'opineur du chef. Les jeudis soirs, 20h, Denis Barry. 33, 41, 18. Press the button again. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui. C'est l'opineur du chef. Les jeudis soirs, 20h, Denis Barry. 33, 41, 18. Press the button again. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui. Un cadavre exquis musical. Voilà ce qui est né de l'union des tontons flingueurs et de l'homme scalp. Les tontons scalpeurs avec Jean-Philippe Boisbriand, Claude Brindamour et Michel Marcoux. Mercredi, 20h30. Seulement au 89.1. Cultive tes

démocratie. J'suis pas spécialiste, un peu spécial, j'suis réaliste électoral. Oh non, monsieur, j'suis pas en colère, c'est juste que hors de moi, y'a l'air de faire salir. Caracol. Caracol. C'est sûr, c'est même un peu suri, hiérarchie, ça tête de tout le monde. Moi, tout mon ordonnant, tous ceux qui en veulent des ordres, des étiquettes, puis des claques à gueule. Je vous propose mes nerfs à la demande et à l'offre à l'assemblée de vos actionnaires. Que je finis à la Kalachnikov, check mon cocktail mollo. Mon canon est propre, le magasin est plein. J'ai la douille dans le slot, ça fait que baisser vos culasses. Charcoal. Charcoal. Vous prenez mes empreintes, ok, puis moi je vous étends mon poing dans le front. La compagnie du New Future, Charcoal, demain la guerre, yes sir. La vie est belle, la vie est belle, la rôde du sol, la rôde des goûts. Veillez à agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus révoltés. Bouddha est gros, allô est grand, que Dieu vous garde, moi j'ai pas le temps. Charcoal. Louons le Seigneur, 100 piastres par semaine. Aimez-vous les uns ces autres, ma patrie ou une autre. Tiré de l'album Boum Boum, Boum pour le cœur, Boum pour la bombe, Richard Desjardins, Charcoal, juste avant, du très bel, magnifique album L'échec du matériel de Daniel Bélanger, la pièce numéro 1, La fin de l'homme. Bon, écoute, Catherine, on est de retour, chers auditeurs, à CKRL 89.1, La fausse patte. On a parlé de commission d'enquête sur la construction, on a parlé de gaz de schiste, et maintenant, on va parler d'une marche pour l'indépendance du Québec, en oui. compagnie de M. Sébastien Ricard, qui est au bout du fil, Sébastien. Oui, allô? Oui, allô, Sébastien, au bout du fil? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bon, alors pour commencer là, juste comme on disait tout à l'heure, les mouvements citoyens sont en feu en ce moment. On a parlé bon du gaz de schiste, du comité interrégional du gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent. On a parlé beaucoup aux dernières émissions des mouvements occupant Montréal et Québec. D'ailleurs, à Québec au parc Saint-Roch, le nombre de tentes augmente encore. Fait que si vous êtes curieux, allez voir. Et en même temps, que tout ça se passe, il va y avoir samedi prochain, le 29 octobre, une marche pour l'indépendance organisée par Cap sur l'indépendance. Et dans cette organisation-là, il y a des personnes très intéressantes comme Sébastien Ricard qui est au bout du fil et moi-même. Donc, je n'ai pratiquement pas parlé à part des informations très, très succinctes à mon co-animateur de cette marche-là. Alors, le magnifique Christian Saint-Pierre va se charger pour qu'on soit sûr d'une belle impartialité médiatique de l'entrevue avec Sébastien. Bonjour Sébastien d'abord. Salut Catherine, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci, très bien. Et donc Christian, as-tu qu'est-ce que vas-y commence, je te laisse la parole. Ben alors mesdames et messieurs, on va situer Sébastien Ricard qui est membre entre autres du groupe Le Colocasse, le fameux Batlam, on l'a vu aussi au grand écran dans Dédé à travers les brumes et ici même sur une scène de Québec au Théâtre Labordé dans Voisek l'année dernière. Je me trompe pas Sébastien, c'est bien ça? Non, c'est super pédigré. Il voit le bruit, quand même, un formidable pédigré. Bon, je suis complètement vierge de cet événement qui est la marche pour l'indépendance ce week-end. Donc, premièrement, l'organisme Cap sur l'indépendance, qu'est-ce que c'est, Sébastien, en quelques mots, s'il vous plaît? Ben, écoute, c'est un organisme parapluie qui existe, je sais pas, même pas un an. Catherine pourrait vous le dire plus précisément, elle était là avec moi, monsieur qui est toujours de la date de conférence de presse, qui a lancé cet organisme là, qui a pour but finalement, c'est ça, de regrouper tous les mouvements, tous les organismes souverainistes au Québec sous un même portail, sous une même appellation. Bien entendu, ce sont des gens qui ont accepté de faire partie donc de Cap sur l'indépendance. Il y en a maintenant pour l'instant 22 organismes, donc ça va du RRQ pour jusqu'au mouvement souverainiste pour les aînés, par exemple. Donc, c'est un spectre très large. Puis, donc, pour une fois, ces gens-là sont regroupés, encore une fois, au sein d'un même portail. Il y a un site Internet très, très bien construit aussi, avec toutes sortes de choses intéressantes. J'invite les gens à aller visiter. Là. On peut trouver ça facilement sur Internet. Et donc, Cap sur l'indépendance organise depuis sa fondation des événements et la marche de l'indépendance qui en est à sa troisième édition, est un de ces événements-là. Donc, Cap sur l'indépendance parraine cet événement-là. Et puisque l'organisme Libre Marcheur est un des 22 organismes qui fait partie de Cap sur l'indépendance, organise donc cet événement-là qui se tient samedi, point de départ à la place du Canada. Et on termine cette marche-là au Champ de Mars, qui se trouve derrière l'Hôtel de Ville de Montréal. Donc, on passe de l'ouest à l'est. Et il faut dire aussi que pour l'occasion, la place du Canada sera rebaptisée la place de l'indépendance. On est à Montréal en train de rebaptiser les places. Comme vous savez peut-être, Square Victoria, qui est occupé depuis maintenant deux semaines par 200 tentes. Donc, c'est littéralement de camps de réfugiés, de protestataires en plein centre-ville, devant Power Corporation, des gens qui sont donc réunis, puis qui ont rebaptisé le Square Victoria Place du Peuple. Donc, nous allons rebaptiser pour l'occasion la Place du Canada en Place de l'Indépendance, et nous allons ensuite se mettre en branle pour se rendre, comme je disais, plutôt au Champ de Mars, où il y aura, au terme de cette marche-là, une assemblée publique qui sera tenue avec des discours, des orateurs. Catherine et moi, on prendra la parole à cette occasion-là, mais il y a aussi d'autres personnes. Gilbert Paquette, qui est un des porte-parole de la coalition Cap sur l'indépendance, aussi prendra la parole, mais d'autres personnes aussi. J'ai pas tous les noms. Je pense que Françoise David va prendre la parole. André Ferretti, la grande militante indépendantiste, une des rhénistes de la première heure, sera là aussi. Enfin, plein de gens intéressants, mais surtout de toutes sortes d'horizons. Souverainistes, ces gens-là partagent une même allégeance, mais ont une manière tous et toutes différentes de mettre en mots ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce moment de grande division, là, cette marche-là se veut une marche d'unité, de concorde autour d'un même désir commun de liberté. Donc, je comprends bien, on martèle beaucoup dans les journaux, surtout au niveau du Parti québécois, que la fondation, par exemple, les députés démissionnaires, la formation d'Option nationale de Jean-Martin Haussan et tout ça, ça divise le vote souverainiste, ça divise les forces. Donc, c'est peut-être une façon, une démonstration, justement, d'union à travers les forces souverainistes et indépendantistes au Québec, c'est bien ça? Ben oui, parce que finalement, tu sais, je crois qu'au derrière, c'est certain que toutes ces divisions-là, on ne peut pas les nier, mais elles ne sont pas, je ne crois pas, pour ma part, qu'elles soient seulement néfastes. Et de voir, en tout cas, ces gens-là, puis tu parlais de Jean-Martin Haussan, il sera présent lui aussi à cette marche-là. Donc, puis il y aura des souverainistes et des péquistes qui seront là, de voir ces gens-là, lors de ces occasions-là, capables de mettre de côté leurs divergences pour dire ben voilà, nous sommes malgré tout au-delà. Par-delà toutes nos divergences, unies quand même, et je crois que c'est une chose dont les souverainistes ont été capables de faire la preuve dans le passé, je pense au référendum de 95, où il y avait eu cette union-là du Parti québécois, des bloquistes, puis également des adéquistes qui sont plus des autonomistes que des souverainistes, mais quand même autour de l'idée du Québec, de son avenir, de son destin, il y a une unité possible à faire qui même va, à mon avis, au-delà du clivage souverainiste fédéraliste. Donc l'idée encore, c'est ça, c'est de, comme tu le disais, oui, montrer que la concorde, elle est tout le temps possible, puis elle est là, puis enfin, ouais, la démonstration. OK, Sébastien, le 29 octobre est une date très importante parce qu'il y a aussi tous les mouvements Occupons Québec, Occupons Mont, etc., qui vont marcher ensemble. C'est une journée d'union. Ça a sorti dans les journaux. On a reçu des communiqués ici aussi à CKRL. Toronto, je crois, là, si ma mémoire est bonne, Toronto et Montréal vont marcher ensemble en même temps. Et là, on rajoute ça par-dessus. Est-ce que c'est des choses qui sont prévues depuis longtemps? Oui, ben c'est ça. L'affaire, c'est que la marche sur l'indépendance est prévue depuis un bon moment déjà. Et puis, bon, moi, je suis au courant de ça depuis hier, là, cette idée de marche, parce que, évidemment, là, il y a un truc qui me semble extrêmement important, là, de faire, c'est de réunir ces divers mouvements-là. Parce qu'au fond, l'aliénation financière contre laquelle protestent les gens d'Occupy Wall Street en premier lieu, puis qui est un mouvement qui fait des petits partout aux États-Unis, bien entendu, mais finalement partout en Amérique du Nord pour l'instant, là, Montréal, Toronto, comme tu le disais, cette aliénation financière-là, elle a certainement toutes sortes de ponts et de liens à faire avec la situation particulière du Québec, son aliénation politique, son aliénation identitaire, et qui est donc une aliénation évidemment financière aussi. En ce moment, j'ai l'impression que c'est pas encore fait, quoique je suis allé souvent au Square Victoria, il y a des gens là, il y a des anglophones, des francophones qui, évidemment, protestent ensemble, occupent la place ensemble, mais il y a, de ce que j'ai observé, on fait l'économie de parler de la situation politique du Québec, et je trouve que c'est c'est malheureux. Puis il faut absolument réussir à faire le lien entre ces enjeux-là, parce que le lien est, à mon avis, flagrant, tu sais. Et donc c'est très, très important. On en a parlé avec Catherine dans des précédentes entrevues, et je trouve que c'est un des objectifs numéro un de cette marche-là. Donc là, on le sait depuis hier. Moi, je sais, on a réfléchi à toutes sortes de scénarios possibles. Il est même très probable là, que notre marche, puisqu'elle part d'un peu plus à l'ouest que le Square Victoria, descende donc vers Vigée, puis longe le parc, la Place des Peuples, qui était anciennement le Square Victoria, et que peut-être qu'il y ait une rencontre qui se fasse là avec les gens d'Occupy, occupé Montréal, et puis qu'ensuite on se dirige tous vers le Champ de Mars. Enfin, je sais pas. Ce qui serait le plus extraordinaire, c'est que ces deux marches-là fusionnent en cours de route. Ça serait mon souhait le plus extraordinaire, mais je ne sais pas si la chose va être possible. Puis on est dans une période où les choses changent au jour le jour. Tu disais que vous avez reçu hier les communiqués de presse, ou aujourd'hui même. C'est une période extrêmement mouvante et tout, puis c'est la beauté de la chose aussi. Il faut être capable de s'adapter à ça, puis essayer de caracoler avec les événements, mais sans perdre son âme là-dedans, encore une fois. Donc, mais moi, je trouve que c'est une période passionnante au Québec. Moi, je sais, de mémoire de Québécois, j'ai pas vu ça de ma vie, là, vraiment, là, tu sais, de voir ce que je vois au Square Victoria, ça me rappelle Mexico quand j'y suis allé, des gens qui vivent dans la rue pour dénoncer des choses, puis si leur indignation les a menés jusqu'à cette limite-là, moi je trouve ça unique dans mon histoire personnelle au Québec. Donc il y a c'est une période forte, faste, puis il faut que le Québec puisse s'exprimer à travers tout ça, puis trouver à, puis moi je suis convaincu qu'on peut le trouver, parce que nous, encore une fois, on a, nous, toutes les raisons de nous révolter. On a, comme je le disais plus tôt, on a toutes les raisons de nous joindre à ces mouvements-là. Mais cette aliénation-là, financière-là, on peut pas la combattre en aliénant notre langue et notre identité. Ce serait, à mon avis, je sais pas, ce serait terrible. Sébastien, en quoi, à ce moment-là, peut-être l'ultime question, on parle de convergence de deux mouvements politiques, deux marches qui vont sensiblement peut-être se rejoindre pour manifester, pour faire valoir leurs idéaux. Est-ce que, en quoi maintenant, là on combat les inégalités sociales, la répartition de la richesse, on dénonce un modèle, le néolibéralisme, pardon, qui sévit depuis les années 80, on en a parlé la semaine dernière avec notre expert de l'université de l'UQAM. En quoi, selon Sébastien Ricard, l'indépendance du Québec serait un bon outil, une bonne façon de justement de se tirer de cette situation qui ne peut plus durer? Ben, en fait, c'est que on aurait tendance à croire, la marche de demain, là, qui part de la Place du Canada, qui se termine au Champ de Mars, il faut dire qu'elle se termine au Champ de Mars aussi, parce que le mouvement Mars 2011, qui est un regroupement qu'avec des amis, on a parti, là, tient des vigiles, donc des assemblées citoyennes, tous les samedis à 14h depuis 7 mois à l'extérieur, donc depuis mars 2011. Au Champ de Mars, les gens se réunissent là, tous les samedis à 2h, et faisant écho à ça, l'initiative à Québec, devant le Parlement de Québec, l'initiative de Luc Archambault de tenir lui aussi des vigiles. Donc lui, depuis 9 mois, il tient des vigiles. À Gatineau, ils en ont tenu pendant un bon bout de temps. Saint-Hilaire tient le coup aussi. C'est depuis longtemps, puis c'est dans la foulée, pour notre part, du printemps arabe qu'on a embranlé cette affaire, qu'on a enclenché cette affaire-là. Et puis ce que je trouve derrière ça, c'est qu'on s'est dit à l'époque, en voyant les Tunisiens, les Égyptiens mettre à terre des dictatures, on s'est dit ben oui, mais eux, on les comprend, écoute, ils sont pauvres, leur jeunesse travaille pas, c'est des gens qui vivent dans des systèmes corrompus, et les Québécois arrivaient pas, en fait, moi quand j'en parlais, on n'arrivait pas à faire le lien avec la situation québécoise. On se disait, quand même, c'est scandaleux de vouloir comparer notre situation avec celle des Arabes. Je trouve que la situation politique du Québec, là, qui est une situation d'enclavement à l'intérieur d'un système politique qui nie la ni la, la plus que la spécificité. Je veux dire, à partir du moment où tu peux pas, tu, où t, par exemple tes lois qui protègent ta le fondement de ta collectivité qui est une langue, à partir du moment où tu as une Cour suprême qui remet en question ces lois-là systématiquement, qui ébranle cette loi-là, l'émancipation du Québec est une chose très, très, très récente. Ça date donc des années 60. C'est vraiment à ce moment-là que le Québec s'est repris en main et qui a fondé un État digne de ce nom. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu l'émergence d'une classe entrepreneurial au Québec, tout ça. Donc, la modernité au Québec, c'est quand même quelque chose d'assez récent et qui s'est arraché en bécillant le pouvoir financier puis le fédéralisme canadianisateur. Donc, il y a ici une situation de précarité collective qui, à mon avis, menace littéralement le bien-être des gens à terme. Tu sais, au fond. C'est en ce sens-là que je trouve qu'il y a, une vraie parenté entre, cet appauvrissement du plus grand nombre et la situation du Québec à l'intérieur du Canada. Je pense que à l'intérieur du Canada, le Québec peut arriver à s'émanciper, mais individuellement. C'est-à-dire qu'individuellement, on peut gagner une certaine aisance, mais collectivement, ça ne nous est pas permis dans ce système-là. Où justement, il n'y a de collectivité que canadienne, finalement. Donc, en ce sens-là, je trouve que cette menace qui est faite à la collectivité québécoise, je la trouve extrêmement réelle, puis très proche de celle qui a mené aux révoltes, d'abord dans les pays arabes, puis celle qui mobilise des gens partout aux États-Unis maintenant. Sébastien, ouais. Écoute, c'est vraiment extrêmement intéressant comme discours. Malheureusement, le temps file, encore une fois, à vitesse grand V, c'est le piège qui nous attend à chacune de nos émissions. Rapidement, en quelques secondes, est-ce que tu peux nous donner les détails techniques de cette marche-là? Donc, où ça commence, à quelle heure, et on se rend, ça se dirige vers où, en fait? Rapidement. Donc, rendez-vous 13h30 ce samedi 29 octobre à la Place du Canada. C'est René Lévesque-Ouest et Metcalf à Montréal, métro Bonaventure. La marche se part à 13h30 donc, et se rend au Champ de Mars, donc derrière l'Hôtel de Ville de Montréal, métro Champ de Mars. Et à 15h30, donc, il y aura, au terme de cette marche-là, une assemblée, une prise de parole de divers orateurs et de divers gens qui donc ont l'indépendance du Québec à cœur et qui donc prendront la parole à cette occasion-là. Catherine Dorion, qui est la co-animatrice, y sera. J'y serai aussi. Hubert Paquette, je parlais d'André Ferretti tout à l'heure. Je crois que Françoise David y sera aussi. J'ai pas toute la liste devant moi, mais il y aura certainement des gens vraiment passionnants qui vont venir s'adresser au public là-bas. Puis encore une fois, c'est sous le signe de la concorde, de l'unité et du désir absolument nécessaire de remettre en ces temps particulièrement bougeants, mouvants, remettre la question du statut politique du Québec au centre des préoccupations de tous les citoyens. Alors, c'est un rendez-vous, Sébastien Ricard. Merci beaucoup de ton appel et de tes informations. Merci, Sébastien. Merci à la prochaine. Bye. Au revoir. Alors, on était en ligne avec Sébastien Ricard ou Batlam, si vous préférez, du groupe Loco Locas, le comédien également, celui qui a interprété Dédé à travers les brumes. Marche pour l'indépendance ce samedi, en lien aussi, peut-être en cohabitation en même temps avec le fameux événement Occupons Montréal, qui marchera également simultanément avec Occupy Toronto. Et voilà, tout ça est en pleine effervescence. Écoutez, le temps file à vitesse exceptionnelle. On doit malheureusement presque bâcler la fin de notre émission. Catherine, une petite conclusion avant qu'on passe à un bloc pub et qu'on cède l'antenne à Tania Beaumont en direct du Sacrilège. Qu'as-tu à dire? Ce que j'ai à dire, des tonnes de choses, mais rapidement, là, c'est vrai ce que dit Sébastien, les mouvements, il est en train de se passer quelque chose au Québec, puis je pense que juste de le réaliser, puis de regarder un peu ce qui se passe, c'est pas encore ça qui enflamme les médias, quoi qu'on en parle de plus en plus, mais les mouvements citoyens reprennent un peu de leur importance, reprennent de leur vigueur et redeviennent, ou sont en voie de redevenir peut-être, un lobby important pour son propre gouvernement, duquel il devrait être le centre, mais dont il n'est plus le centre. Alors, cette réappropriation citoyenne là de la politique québécoise est en train de commencer. Je trouve ça très encourageant. Moi de même, malheureusement, c'est déjà fini pour nous, mesdames et messieurs. On vous rappelle que l'on est sur Facebook, la page ou le groupe La Fausse Patte. Vous cliquez « J'aime » si vous voulez être tenu au courant ou participer au débat en faisant partie du groupe. Eh bien, c'était tout pour La Fausse Patte de ce 26 octobre 2011. Catherine Dorion, merci beaucoup. Merci, Christian. On remercie aussi Félix-Antoine Michaud qui est venu nous parler de cette commission d'enquête, qui est membre du Barreau du Québec, Monsieur Serge Fortier qui résiste à l'industrie du gaz de schiste et Monsieur Sébastien